Ainsi précédé par cette troupe d'éclaireurs, le descendant des Dell'Arabia entra dans son village et gagna le vieux manoir des Caporaux, ses aïeux. Les rébianistes, longtemps privés de chef, s'étaient portés en masse à sa rencontre, et les habitants du village, qui observaient la neutralité, étaient tous sur le pas de leurs portes pour les voir passer. Les barycinistes se tenaient dans leur maison et regardaient par les fentes de leurs volets. Pour éviter un détour, Orso allait passer devant la maison du maire Giudice lorsque sa sœur l'avertit et l'engagea à prendre une ruelle qui les conduirait à leur maison sans traverser la place. « Pourquoi se déranger ?» dit Orso. « La place n'est-elle pas à tout le monde ?» Et il poussa son cheval. « Brave cœur, » dit tout bas Colomba, « mon père, tu seras vengé. » En arrivant sur la place, Colomba se plaça entre la maison de Baricini et son frère, et toujours, elle eut l'œil fixé sur les fenêtres de ses ennemis. Elle remarqua qu'elles étaient barricadées depuis peu, et qu'on y avait pratiqué des archères. On appelle archères d'étroites ouvertures en forme de meurtrière, ménagées entre de grosses bûches avec lesquelles on bouche la partie inférieure d'une fenêtre. Lorsqu'on craint quelque attaque, on se barricade de la sorte, et l'on peut, à l'abri des bûches, tirer à couvert sur les assaillants. « Les lâches !» dit Colomba. « Voyez, mon frère, déjà ils commencent à se garder. » Il se barricade, mais il faudra bien sortir un jour. La présence d'Orso sur le côté sud de la place produisit une grande sensation à Pietranera et fut considérée comme une preuve d'audace approchant de la témérité. Pour les neutres, rassemblés le soir autour du chêne vert, ce fut le texte de commentaires sans fin. « Il est heureux, disait-on, que les fils Baricini ne soient pas encore revenus, car ils sont moins endurants que l'avocat leur père, et peut-être n'eussent-ils point laissé passer leur ennemi sur leur terrain sans lui faire payer la bravade. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire, voisin, ajouta un vieillard qui était l'oracle du bourg. J'ai observé la figure de la Colomba aujourd'hui. Elle a quelque chose dans la tête. Je sens de la poudre en l'air. Avant peu, il y aura de la viande de boucherie à bon marché dans Pietranera.